les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans une lettre à son ami Wilhelm Fliess, datée du 28 mai 1899, Freud évoque la plus belle découverte qu'il ait faite, la seule probablement qui lui survivra. Il parle alors de son travail sur l'interprétation des rêves, qu'il occupe depuis quelques années. Bien d'autres découvertes en réalité lui survivront, bien sûr, mais celle-ci comptera en effet parmi les plus spectaculaires, et ce, alors même que le livre dans lequel il en rendit compte pour la première fois, paru en 1899, passa pendant plusieurs années complètement inaperçu. En 1963, dans les 9e et 10e épisodes d'une série retraçant la vie et l'œuvre de Freud, Marthe Robert racontait la construction de cette théorie, ses tenants et ses aboutissants. En 1963, le livre intitulé en allemand « Die Traumdeutung », que l'on traduit désormais par « L'interprétation du rêve », avait été publié en français sous le titre assez impropre de « La science des rêves », titre que Marthe Robert utilise donc à son tour pour s'y référer. La révolution psychanalytique, 9e et 10e épisode, première diffusion sur France 3 Nationale, les 16 et 23 février 1963. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La révolution psychanalytique. Une suite d'émissions composées par Marthe Robert. Aujourd'hui, la science des rêves. Réalisation José Pivin. La science des rêves passe pour l'œuvre maîtresse de Freud, et jusqu'à présent, pour l'un des plus solides piliers de la psychanalyse. Freud lui-même sentait qu'il devait l'ouvrage à une inspiration exceptionnelle, et que ses autres livres dussent-ils un jour être partiellement rectifiés, celui-là demeurerait intact, avec sa fraîcheur et sa vérité. Ce serait trop dire que de présenter la science des rêves comme le fruit d'une trouvaille hasardeuse. Mais il y a un peu de cela, puisque Freud découvrit la signification du rêve en cherchant à percer le pourquoi et le comment des névroses. Il est vrai qu'assez tôt, les deux ordres de recherche s'étaient si étroitement liés qu'ils devaient forcément influer l'un sur l'autre. Les névroses lui avaient révélé l'importance du rêve, le rêve lui donna la clé des névroses. C'est grâce à une modification décisive de sa technique thérapeutique que Freud put entrevoir l'énorme valeur du rêve comme phénomène psychique. En effet, on se souvient que son analyse psychique, d'abord fondée sur l'hypnose et la suggestion, et débarrassée ensuite de ces deux procédés, se servait de certaines pratiques, objurgation du médecin, pression de la main sur le front, etc., destinées à faire surgir dans l'esprit du malade une idée liée à la cause de son symptôme. Mais une malade ayant un jour demandé à Freud de ne pas interrompre le cours de ses pensées, celui-ci se le tint pour dit. Il s'abstint désormais d'intervenir et s'achemina ainsi peu à peu vers la technique dite des associations libres, à quoi la psychanalyse doit toute son originalité. Or, dès l'instant où la liberté des associations fut la règle, les malades se mirent spontanément à raconter leurs rêves, de sorte que Freud fut conduit à traiter les productions de la vie nocturne comme il faisait des autres symptômes évoqués dans le discours. Les hystériques l'y avaient en quelque sorte poussé, puisque, en vertu d'une obligation intérieure, ils associaient les unes aux autres toutes les idées qui se présentaient simultanément à leur esprit. Un autre fait d'observation clinique avait encore encouragé Freud dans sa recherche. C'est qu'il existait une analogie entre le rêve et les états hallucinatoires propres à certaines affections mentales, comme la psychose hallucinatoire aiguë. Frappé de l'idée de quelques psychiatres qui voyaient dans le délire onirique une manière de réaliser un désir caché, Freud commença de soupçonner qu'il pouvait en être de même pour le rêve. et que la part nocturne de notre vie psychique, bien loin qu'elle soit absurde et anarchique, n'était pas moins sensée ni orientée que celle de la veille. Son intuition ne se trouva vraiment confirmée que par la première analyse complète qu'il fit l'un de ses rêves, le mercredi 24 juillet 1895, jour historique, comme il le nota lui-même, à moitié sérieusement. Il s'agissait du rêve dit de l'injection d'Irma. Freud en avait transcrit l'interprétation dans un café de la banlieue de Vienne, le restaurant Bellevue, endroit où il se demandait s'il aurait jamais une plaque commémorative disant à peu près « C'est ici, le 24 juillet 1895, que fut révélé au docteur Sigmund Freud le secret des rêves. » Aucune plaque de marbre ne commémore cet événement inouï qui, à l'instar de beaucoup d'autres aussi importants, passa sur le moment tout à fait inaperçu. Mais la fortune de la science des rêves, qui n'a pas cessé depuis plus de 60 ans, vaut bien à elle seule un monument. On croira sans peine que Freud ne se serait pas attaché avec autant de passion au problème des rêves s'il n'avait eu une inclination personnelle pour ce sujet. De fait, il était grand rêveur. Et depuis toujours, semble-t-il, s'appliquait-il à noter ses rêves dans l'un de ses carnets qu'il détruisit un jour avec d'autres papiers. Ses rêves le fascinaient, bien plus il leur accordait manifestement une espèce de créance. Et dans une lettre à Martha, par exemple, on le voit leur attribuer vaguement un sens prophétique. Mais déjà, il fait quelques remarques qui se rapprochent de ses futurs travaux. Il rapporte tout au long à Martha un exemple typique de rêve dans le rêve, et s'étonne en constatant que certains rêves, comme celui où il passe son examen de doctorat, reviennent périodiquement, et parfois pendant des années. Le rêve, pour Freud, n'est donc pas seulement un objet scientifique. Mais, comme toujours chez cet homme tendu vers une connaissance approfondie de soi-même, une source de questions étroitement liées à sa vie. En cela, il se rapprochait plus des oniromanciens traditionnels que des savants de son époque, qui dans l'ensemble privait le rêve de toute valeur et reléguait les antiques croyances dans le domaine des superstitions. En appelant son livre « Die Traumdeutung », littéralement « L'interprétation des rêves », Freud montrait bien de quel côté il entendait se ranger. Interprète des énigmes de la nuit, il prenait la suite de tous ceux qui, depuis des temps immémoriaux, avaient compris le rêve comme un message secret, divin ou non, dont la révélation était précieuse pour la conduite de la vie. Comme eux, il affirmait que le rêve a un sens et que ce sens concerne directement la personne du rêveur. Le titre français ne rend malheureusement pas cette nuance, qui pourtant annonce et oriente tout le projet freudien. Le but de Freud, en effet, n'est pas de constituer une science de la vie onirique telle que l'entendaient les auteurs du temps. Cette science, il en a fait le tour à travers l'immense littérature dont il rend compte dans le premier chapitre de son livre, et à quelques exceptions près, il l'a trouvé d'une superficialité rebutante. Ce qu'il veut bien plutôt, c'est montrer que le rêve n'est pas seulement une sorte de tressaillement de la vie psychique endormie, mais un phénomène doué de signification, ayant la plénitude et en quelque sorte la dignité des autres activités psychiques. En somme, il veut faire mentir le proverbe en disant que tout songe est vérité. La composition de la science des rêves a demandé plusieurs années de travail. Freud a dit qu'il en avait volontairement retardé la publication pendant 4 ou 5 ans, ayant préféré publier le livre avec des preuves plus nombreuses et plus solides. Mais sa mémoire devait l'induire en erreur, car ses lettres à Fliess attestent que l'idée ne germe en lui qu'en 1897, 2 mois après le début de son auto-analyse. On conçoit d'ailleurs que ces deux tâches aient été dès le début tributaires l'une de l'autre, puisque Freud trouva le premier matériel du livre, et de loin le plus important, dans l'analyse de ses propres rêves, qu'il faisait alors systématiquement. En vérité, le projet même de l'ouvrage coïncidait avec une crise. Freud se contraignit finalement à l'écrire pour tenter de surmonter l'état intérieur fort pénible où la mort de son père l'avait plongé. Là, donc, il était à lui-même son propre sujet. C'était de lui qu'il parlait en exposant ses idées, lui qu'il livrait à la curiosité du public. Cette déplaisante nécessité explique mieux son hésitation que de simples scrupules scientifiques. S'il garda longtemps sa découverte par devers lui, c'est qu'elle le mettait lui-même à nu. Nous pouvons suivre dans les lettres à Fliss les aléas de ce travail que Freud s'imposa d'abord comme une sorte d'hygiène mentale et qui, peu à peu, finit par le passionner. En 1897, quand il doit reconnaître l'inexactitude de sa théorie de la séduction, il espère que le rêve pourra encore sauver son édifice. Puis il cesse d'écrire pour étudier l'énorme littérature publiée sur le même sujet et se réjouit qu'aucun auteur n'ait anticipé ses conclusions, ce qui l'assure de sa priorité. La nécessité de faire l'historique des problèmes du rêve le rebute, mais il ne peut l'éluder. Et comme il veut aussi insérer dans le livre un chapitre de psychologie générale, c'est tout le projet qui doit être remanié. Pendant 2 ans, il travaille sans songer à une publication. Mais le 28 mai 1899, il se décide brusquement et l'annonce aussitôt à Fliss. Tout à coup, et sans raison spéciale, le rêve a pris corps pour tout bon. J'y ai bien réfléchi. Tous ces travestissements ne me conviennent pas, pas plus que le renoncement, car je ne suis pas assez riche pour garder par devers moi la plus belle découverte que j'ai faite, la seule probablement qui me survivra. Dans ce dilemme, je me suis comporté comme le rabbin dans l'histoire du coq et de la poule. La connais-tu ? Un couple qui possède un coq et une poule décide à l'occasion des fêtes de s'offrir un repas de volaille et, à ce propos, consulte le rabbin. Rabbin, que faut-il faire ? Nous n'avons qu'une seule poule et un seul coq. Si nous tuons le coq, la poule s'en affligera. Si nous tuons la poule, c'est le coq qui sera malheureux. Mais nous voulons manger de la volaille en ce jour de fête. Que faire ? Tuer le coq. Mais la poule aura du chagrin. C'est vrai. Alors tuer la poule. Mais rabbin, le coq souffrira. Eh bien tant pis, qu'il souffre. Que le rêve soit donc. Malheureusement, les dieux ont fait précéder l'ouvrage d'une littérature bien faite pour lui servir de repoussoir. La première fois, je m'y suis embourbé. Cette fois-ci, je m'en tirerai. D'ailleurs, il ne s'y trouve rien d'important. Aucun de mes travaux n'aura été si complètement mien. À peine a-t-il décidé de publier le livre que Freud se sent pris de découragement. L'historique du rêve exige un travail fastidieux. Il n'y trouve rien d'exaltant. Bien loin que ses prédécesseurs lui apprennent quelque chose, la pauvreté de leurs idées finit par déprécier les siennes et le dégoûte presque de son sujet. Certains spécimens de littérature me donnent pour la première fois l'impression que j'aurais mieux fait de ne jamais m'occuper de ce sujet. Il y a entre autres un certain Spitta. Je suis maintenant sorti du passage dangereux. Naturellement, on s'enfonce toujours davantage pour finalement tout lâcher. Toute cette histoire aboutit une fois de plus pour moi à un lieu commun. Il y a un désir que le rêve cherche toujours à réaliser. Un seul désir, qui peut toutefois affecter plusieurs formes, et qui est simplement celui de dormir. On rêve pour n'être pas obligé de se réveiller, parce que l'on veut dormir. Tant de bruit pour si peu. Le chapitre consacré à l'examen de la littérature sur le rêve était pour Freud une source d'embarras. Écrit sur les instances de Fliss, qui le jugeait indispensable pour prévenir les attaques des spécialistes, il semblait n'avoir aucune place dans l'ensemble. Freud ne savait où le mettre, Fliss n'en voulait ni au milieu ni au début. Freud est d'accord avec lui, mais se résout pourtant à en faire le premier chapitre du livre. Nous sommes du même avis, et tout semble provenir du fait que cette littérature nous déplaît. Mais si nous voulons éviter de fournir au pontife une hache pour pourfendre ce malheureux livre, nous sommes bien obligés d'insérer la littérature quelque part. L'ensemble rappelle une promenade imaginaire. C'est d'abord la forêt obscure des auteurs qui ne voient pas les arbres. Forêt sans perspective et où il est facile de s'égarer. Puis un chemin creux, au travers duquel je mène le lecteur, celui de mes spécimens de rêve, avec leurs particularités, leurs détails, leurs indiscrétions, leurs mauvais jeux de mots. Enfin, tout à coup, le sommet, la vue. Et cette question, dites-moi, s'il vous plaît, où vous voulez aller. Outre le chapitre historique à quoi il s'était cru obligé, Freud avait ajouté à son plan primitif un chapitre consacré à la psychologie qui, pour d'autres raisons, lui causa un surcroît de soucis. Ce chapitre, qui traite des processus oniriques et termine le livre, passe pour être le plus difficile et le plus abstrait de toute son œuvre. Freud a dit qu'il l'avait écrit comme en rêve, mais dans une lettre à Fliss, il le juge irrémédiablement imparfait. j'entame les préliminaires du dernier chapitre, dont je n'aperçois encore ni les limites, ni la disposition. Il me reste encore beaucoup à lire là-dessus. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, les physiologistes y trouveront bien à redire. Mais enfin, tant pis. La chose sera ce qu'elle doit être. Le chapitre contiendra donc 2467 erreurs que j'y laisserai. Ces 2467 erreurs que Freud pensait avoir laissées dans le chapitre 7 de la science des rêves demandaient une explication. Mais Freud ne s'en avisa pas tout de suite. C'est seulement quand il rassembla du matériel pour la psychopathologie de la vie quotidienne qu'il fut frappé par ce chiffre apparemment absurde, qui, selon sa théorie, devait pourtant avoir un sens précis. Il fit alors de ces 2467 erreurs une analyse éblouissante qu'il faut citer entièrement pour ce qu'elle met en évidence l'une de ses idées les mieux ancrées, sans quoi la psychanalyse serait en partie incompréhensible. Sa croyance absolue dans le déterminisme de l'esprit. Tu trouves dans ma lettre le nombre 2467 exprimant l'estimation arbitrairement exagérée des fautes que j'ai pu laisser dans mon livre sur les rêves. Mais dans la vie psychique, il n'y a rien d'arbitraire, rien d'indéterminé. Aussi es-tu en droit de supposer que l'inconscient a pris soin de déterminer le nombre lancé par l'idée consciente. Voici ce qu'il en est. Je viens de lire récemment dans le journal que le général E.M. a pris sa retraite avec le grade de maréchal. Or, cet homme m'intéresse. Pendant que je faisais mon service en qualité de médecin auxiliaire, il est venu un jour à l'infirmerie. Il était alors colonel et a dit au médecin « Je vous donne une semaine pour me remettre sur pied, car j'ai à faire un travail que l'empereur attend. » En suivant mentalement la carrière de cet homme, je constate qu'aujourd'hui, en 1899, cette carrière est terminée, que le colonel d'alors est maréchal et à la retraite. Je me suis rappelé que c'est en 1882 que je l'ai vu à l'infirmerie. Il a donc mis 17 ans à parcourir ce chemin. J'en parle à ma femme qui me dit « Alors toi aussi tu devrais être à la retraite. » Mais je proteste que Dieu m'en garde, et je me mets à mon bureau pour t'écrire. Mais mes idées suivent leur cours, avec raison. J'ai mal calculé, et je le sais d'après un point de repère fixe que je garde dans mes souvenirs. J'ai fêté ma majorité, c'est-à-dire mon 24e anniversaire, pendant que je faisais mon service. Je me suis absenté ce jour-là sans permission. C'était donc en 1880. Il y a par conséquent 19 ans de cela. Tu retrouves ainsi, dans le nombre 2467, celui de 24. Prends mon âge, 43. Ajoute-y 24. 43 plus 24 égale 67. Cela veut dire qu'à la question de ma femme au sujet de ma retraite, j'ai répondu en m'accordant encore 24 années. Il est évident qu'au fond, je suis contrarié de n'avoir pas fourni dans l'intervalle des 17 ans qu'il a fallu au colonel M pour devenir maréchal et prendre sa retraite, la même carrière que lui. Mais cette contrariété est plus que neutralisée par la joie que j'éprouve en pensant que sa carrière est bel et bien finie, alors que j'ai encore beaucoup de temps devant moi. J'ai donc le droit de dire que même ce nombre de 2467, lancé sans aucune intention, a été déterminé par des raisons venant de l'inconscient. Les sentiments de Freud à l'égard de son travail restent jusqu'à la fin fort mélangés. Tantôt, l'idée de laisser la science des rêves après lui le console de bien des heures de tristesse. Tantôt, il s'afflige des défauts rédhibitoires de l'ouvrage. Ainsi, il dit de sa description des rêves « C'est le style qui me déplaît. Il ne m'a pas été possible de trouver des tournures élégantes et simples. » J'ai usé de circonlocutions et me suis égaré dans des descriptions pittoresques. Je ne l'ignore pas, mais en moi, l'élément qui le sait et est capable d'en juger n'est malheureusement pas l'élément productif. Enfin, le dernier manuscrit fut expédié à l'éditeur en septembre 1899. À la fin du mois d'octobre, Wilhelm Fliess en reçut un exemplaire et le 4 novembre 1899, le livre fut mis en librairie. Mais soit que l'éditeur fût superstitieux, soit qu'il fût impressionné par le siècle naissant, soit qu'il eût compris le caractère prophétique du livre, il préféra le dater de 1900. Pendant 18 mois, la science des rêves connut le silence presque total de la presse. Aucune revue scientifique ne signala sa publication et à part un compte-rendu élogieux dans le Berliner Tagblatt, les journaux quotidiens l'ignorèrent. Les quelques savants qui se prononcèrent le firent tous négativement. L'un d'eux s'effrayait que les esprits non critiques puissent jouer avec de pareilles idées, sombrer dans un mysticisme total et dans le chaos de l'arbitraire. Un professeur de Berlin déplorait que l'imagination artistique de l'auteur l'ait emporté sur la pensée du chercheur scientifique. Et en 1927, un certain professeur Hoche de Fribourg rangeait l'œuvre de Freud à côté des clés des songes bien connues qui s'impriment sur du mauvais papier et que l'on trouve parfois dans les tiroirs des cuisinières. De sorte que pendant 10 ans, le livre ne se vendit pas et passa inaperçu. Pour Freud, cependant, la science des rêves eut des conséquences plus décisives qu'aucun autre de ses livres. C'était le fruit d'un long travail intérieur qui lui avait permis de sortir d'une grave crise intime avec plus de fermeté, plus de confiance en lui-même et de sérénité à l'égard du jugement d'autrui. Surtout, elle attira l'attention de quelques jeunes gens qui formèrent bientôt le premier noyau de ses disciples et, de la sorte, mit définitivement fin à son isolement. La science des rêves a eu 9 éditions en près de 30 ans. Et Freud, à plusieurs reprises, l'a enrichi de rêves et d'observations qui lui venaient de ses élèves. De par sa conception même, c'est un ouvrage complexe et si vaste que le lecteur non préparé peut craindre de s'y perdre. Très tôt d'ailleurs, Freud a senti la nécessité d'en rassembler les principales idées dans un exposé plus bref, afin de le mettre à la portée du public profane, mais cultivé, dont il espérait se faire mieux comprendre que du public savant. En 1901, donc, il fit de son œuvre maîtresse un abrégé extrêmement clair, qui en est comme la version populaire, et où ne manque pourtant aucune de ses idées. C'est à ce petit livre, intitulé « Le rêve et son interprétation », que nous empruntons maintenant pour présenter sommairement la théorie freudienne du rêve, pièce majeure de la doctrine psychanalytique et instrument de son travail quotidien. Le rêve n'est pas un déchet inutile, insane ou morbide de l'activité psychique, comme le croient la plupart des psychologues du temps. C'est un phénomène plein de sens, dont l'absurdité et l'incohérence disparaissent dès qu'on sait l'interpréter à l'aide d'une méthode scientifique appropriée. Plus sages que les savants, les anciens et les gens du peuple avaient une intuition profonde de sa vérité. Ils se trompaient seulement en appréciant sa valeur prophétique, car le rêve ne prédit rien. Il exprime un souhait dont il assure immédiatement la réalisation. Ce dont le rêveur se souvient au réveil, c'est le contenu manifeste du rêve, le matériel que fournit le rêve au terme de l'analyse est appelé son contenu latent. Le processus de transformation du rêve latent en rêve manifeste, c'est le travail du rêve. Le travail d'analyse le refait exactement en sens inverse. Envisagé sous l'angle des rapports entre le contenu latent et le contenu manifeste, les rêves peuvent être divisés en 3 catégories. D'abord, les rêves clairs et raisonnables, qui semblent empruntés directement à notre vie consciente. Ils sont fréquents, brefs et sans grand intérêt pour nous parce qu'ils n'ont rien qui frappe l'imagination. Cependant, leur caractère de rêve est incontestable. Jamais nous n'irions les confondre avec des productions de l'état de veille. Le second groupe est celui des rêves raisonnables, dont le sens, quoique parfaitement clair, ne laisse pas de nous étonner, parce que rien en nous ne justifie de pareilles préoccupations. Ce sont ceux qui nous font nous écrier au réveil « D'où peut bien me venir cette idée ?» Le troisième groupe comprend précisément les rêves qui ont suggéré aux psychologues l'idée d'une activité psychique réduite et inutile. Ils sont en effet obscurs, absurdes, incohérents. Ce sont ceux qui renferment les énigmes dont l'analyse parvient à percer le sens en remplaçant le contenu manifeste par le contenu latent du texte onirique. Il est remarquable que plus le rêve est obscur, plus il résiste à l'analyse, plus il semble s'opposer à la reconstitution de sa pensée cachée. À la catégorie des rêves clairs appartiennent tous les rêves d'enfants qui sont, franchement et sans détour, les désirs réalisés. Freud s'en est convaincu en notant les rêves de ses propres enfants. Sa petite fille, Anna, s'est rendue malade en mangeant des fraises et a été mise à la diète. La même nuit, elle fait un rêve où elle prononce d'abord son nom, puis fraises, tartines, bouillies. Donc, l'enfant rêve qu'elle mange et voit dans son menu précisément les choses dont elle s'attend à être privée. Même lorsque le rêve enfantin se complique, il reste toujours aisé de le réduire à la satisfaction d'un désir. Le petit garçon de Freud, qui a 8 ans, rêve qu'il se trouve aux côtés d'Achille dans le char conduit par Diomède. Son père sait qu'il s'était plongé la veille dans les légendes héroïques de la Grèce. Enthousiasmé par les deux héros, il regrettait sans aucun doute de n'avoir pas vécu de leur temps. Les rêves d'adultes peuvent emprunter leurs traits aux rêves d'enfants dans certaines situations d'extrême besoin. Freud en trouve la confirmation dans les récits de l'explorateur Nansen. Pendant l'hivernage dans les glaces, les hommes de l'expédition, condamnés à des menus maigres et monotones, rêvaient toutes les nuits, comme des enfants, à des repas plantureux, à des montagnes de tabac et aux joies lointaines de leur foyer. Tous les rêves de type infantile peuvent se formuler par un souhait. Oh, si la promenade sur l'eau avait duré plus longtemps, que ne suis-je déjà levé et habillé, que n'ai-je la chance de vivre au temps des Grecs. Mais le rêve apporte quelque chose de plus que ce mode optatif. Il nous montre le souhait réalisé. Il nous présente cette réalisation sous une forme visuelle, autrement dit. Il transforme une idée en image et le désir en une situation actuelle. Même les rêves enfantins les plus simples subissent nécessairement cette transposition. Pour qu'une idée puisse pénétrer dans un rêve, il faut qu'elle soit apte à se transformer en image et donner lieu à une transposition dramatique. C'est là le principe, en quelque sorte, grammatical, qui vaut pour toutes les espèces de rêves, qu'ils soient clairs ou énigmatiques, cohérents ou apparemment fantastiques. La complexité ou l'obscurité du scénario qui marque généralement les rêves d'adultes ne change d'ailleurs rien au sens profond des productions oniriques, qui est toujours la réalisation d'un désir. La disproportion frappante chez l'adulte entre le contenu manifeste et le contenu latent du rêve montre seulement qu'ici, il s'agit de la réalisation déguisée d'un désir caché ou refoulé. Mais comment les pensées latentes du rêve parviennent-elles à se déguiser suffisamment pour devenir méconnaissables et au réveil paraître étrangères à la conscience du dormeur? Grâce à un certain nombre de procédés techniques qui ne sont d'ailleurs pas réservés aux rêves, mais servent d'instrument à d'autres formes d'activité psychique, en particulier au travail de l'imagination. Le premier de ces moyens, nous l'avons vu, est la transposition de concepts abstraits en images et en situations. Il en existe plusieurs autres qui concourent chacun à leur manière à l'arrangement tendancieux de la matière onirique. Arrangement où Freud, le premier, a reconnu le modèle du travail secret de l'art. Le rêve effectue son travail en partie grâce à une compression ou encore à une condensation de ses éléments primitifs, ce qui explique que les pensées latentes découvertes au terme de l'analyse soient toujours plus nombreuses que les idées du contenu manifeste. De fait, les personnes et les objets vus en rêve sont le plus souvent des formations composites, des hybrides obtenus par l'amalgame ou la superposition de traits absolument disparates. Ce sont des créations déconcertantes à l'état de veille, mais en tout point comparables à celles qui foisonnent dans les fables populaires ou les mythes. La seule différence est que les figures mythiques sont définitivement fixées, alors que le rêve doit recommencer son travail en quelque sorte chaque nuit. Freud a donné un joli exemple de ce travail de condensation. C'est le rêve où il se voit assis dans un compartiment de chemin de fer avec sur les genoux un chapeau haute forme en verre transparent. Cet objet absurde résulte de l'amalgame de 2 images. Le chapeau, évidemment lié à la tête de son possesseur, et le bec au air, cylindre de verre, haute forme lui aussi, dont son inventeur, le docteur Howard von Welsbach, compatriote de Freud, a tiré beaucoup de gloire et de profit. Et Freud se dit: je ne serais pas fâché de faire comme lui une découverte qui me rende riche et indépendant. Je voyagerais alors au lieu de rester à Vienne. Dans le rêve, je voyage avec ma découverte, ce chapeau de forme en verre dont l'utilité est encore fort contestable. Le rêve travaille encore à l'aide d'un déplacement dont le principal résultat est un renversement ou un échange des valeurs mises en scène. ce qui, dans la pensée latente du rêve, était fort et important, se transporte sur un objet faible et insignifiant, de sorte qu'un fait primitivement émouvant devient banal et qu'inversement, des éléments sans valeur prennent une coloration intense et une place centrale dans le scénario. Le rêve est capable de traiter un détail accessoire en événement grave, de dissocier les situations des affects qui normalement les accompagnent, ou encore de dissimuler dans un coin de son espace cela même qui constitue sa pensée la plus pressante. Rien ne contribue mieux à son absurdité que cette répartition mensongère des accents. Le troisième procédé est de loin le plus apparent. Il consiste à remplacer objets, personnes et situations par des représentations aptes à les figurer de façon purement analogique. C'est le symbolisme du rêve qui, de tout temps, a frappé l'imagination des hommes et justifié le déchiffrement systématique des énigmes nocturnes. Les signes, les allusions, les jeux de mots, même les pires coqs à l'âne, tout est bon au rêve pour donner une expression au désir dont il est le porteur, sans toutefois jamais le trahir en le rendant intelligible. Cependant, le symbole n'est pas le produit du travail onirique. Il en est au contraire le premier moteur. C'est lui qui fournit le matériel sur quoi vont porter la condensation, le déplacement et la mise en scène du scénario. Mais, dira-t-on, qu'est-ce qui oblige le rêve à une élaboration aussi tortueuse ? Pourquoi le rêve d'adulte ne s'exprime-t-il pas aussi naïvement que le rêve d'enfant, ou en d'autres termes ? À quoi correspond cet étrange phénomène du refoulement qui force le désir en cause à ne se réaliser que sous une forme voilée ? La réponse à cette question n'est pas fournie par le rêve lui-même, mais par une particularité tout à fait générale de notre organisation psychique. Nous admettons que dans notre appareil psychique, il existe deux fonctions créatrices de pensée. La seconde de ces fonctions possède ce privilège que tous ces produits font immédiatement partie intégrante de la conscience, tandis que l'activité de la première reste inconsciente, ou bien n'atteint la conscience que par l'intermédiaire de la seconde. À la limite de séparation entre ces deux fonctions, au point même où elles se rejoignent, il existe une censure qui ne laisse passer que ce qui lui est agréable et rejette le reste. Les produits rejetés par la censure se trouvent alors, selon notre expression, en état de refoulement. On conçoit que les désirs les plus sévèrement rejetés par la censure soient ceux-là même que la morale individuelle et collective réprime avec la même rigueur. Les désirs érotiques, d'autant plus incompatibles avec les exigences du moi adulte, qu'ils proviennent d'un indestructible fond infantile. Derrière les souhaits érotiques actuels, qui s'accomplissent en quelque sorte par ruse dans les rêves, Freud, en effet, découvre le désir premier, le désir scandaleux d'inceste et de meurtre dont tout homme adulte a perdu le souvenir et qui pourtant le lie éternellement à son passé. C'est une révélation qui explique pour la première fois le sens universel et l'éternité du drame d'Édipe. Sa destinée nous émeut parce qu'elle aurait pu être la nôtre, parce qu'à notre naissance, l'oracle a prononcé contre nous la même malédiction. Nous avons tous senti à l'égard de notre mère notre première impulsion sexuelle, à l'égard de notre père notre première haine. Nos rêves en témoignent. Édipe, qui tue son père et épouse sa mère, ne fait que réaliser le vœu de notre enfance. Mais, plus heureux que lui, nous avons pu, pour autant que nous ne soyons pas névropathes, détacher de notre mère nos désirs sexuels et oublier notre jalousie envers notre père. Nous nous épouvantons à la vue de celui qui a accompli le souhait de notre enfance, et notre épouvante a toute la force du refoulement qui, depuis lors, s'est exercé contre ses désirs. L'avertissement du cœur nous atteint nous-mêmes dans notre orgueil, dans notre conviction d'être devenus très sages et très puissants. Comme Édipe, nous vivons dans l'inconscience des désirs qui blessent la morale et auxquels la nature nous contraint. Quand on nous les révèle, nous préférons détourner les yeux des scènes de notre enfance. Et comme Édipe, rester aveugle. RTF, France 3 nationale, vient de présenter La liberté coupable. La révolution psychanalytique, une suite d'émissions composées par Marthe Robert. Aujourd'hui, La science des rêves, avec Michel Bouquet, Jacques Degore, René Farabet, René Garcia, Jean Negroni, Pierre Olivier. Réalisation, José Pivin. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 nationale le 16 février 1963. Tout de suite, le 10e volet de cette série, diffusé la semaine suivante. RTF France 3 nationale présente La liberté coupable. La liberté coupable. Deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclert. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Bray, René Farabet, Alain Mottet, Jean Muselli et René Garcia dans Deux rêves de Freud. Il n'y a pas meilleur moyen de comprendre l'analyse freudienne du rêve que de suivre pas à pas l'extraordinaire prospection intérieure à quoi Freud convie son lecteur en lui contant ses propres songes pour en trouver le sens et en chasser une à une toutes les énigmes. Un rêve, interprété par Freud, c'est une aventure dont on est à la fois le témoin et le héros. Un drame que l'on regarde d'abord avec indifférence ou amusement, pour en faire ensuite une affaire personnelle dont on attend le dénouement. Mais surtout, c'est un enseignement permettant de saisir, pour ainsi dire en plein travail, la technique même de la psychanalyse, et par là, plus vivant, plus immédiatement utilisable que des exposés purement théoriques. L'analyse des rêves avait été pour Freud lui-même l'instrument indispensable de sa propre analyse. Pour le lecteur d'aujourd'hui, elle est encore la voie royale qui conduit au cœur de ses livres. Pour donner une idée tout à fait concrète de la méthode que Freud, dès 1895, avait commencé d'appliquer au traitement de ses malades, nous avons donc choisi deux rêves personnels parmi les innombrables exemples qui forment le matériel de la science des rêves. Le premier, à cause de sa simplicité et du ton familier de l'analyse. Le second, pour l'admirable construction intellectuelle à quoi il donne lieu et l'émotion esthétique qui s'en dégage. En fait, le rêve dit de la table d'hôte n'appartient pas à proprement parler à la science des rêves. Il est relaté dans le petit livre intitulé « Le rêve et son interprétation » où Freud, de la façon la plus simple, rassemble et ordonne les principes de son énorme somme onirique. Il retrace toutes les étapes, tous les détails du chemin que le rêveur avait fait lui-même au moment de son réveil. Une réunion à table, ou à table d'hôte. On sert des épinards. Madame E.L. est assise auprès de moi et entièrement tournée de mon côté. Elle me passe familièrement la main sur le genou. Je fais un geste pour écarter sa main. Elle me dit alors... Vous avez toujours eu de si beaux yeux. Et je distingue confusément quelque chose qui ressemble à un dessin représentant deux yeux. Ou bien au verre d'une paire de lunettes. Voilà le rêve, ou du moins ce que j'ai pu en noter. Je le trouve insignifiant, obscur et quelque peu surprenant. Madame E.L. est une personne avec qui j'ai eu de vagues relations d'amitié et n'en ai, que je sache, jamais désiré d'autre. Il y a longtemps que je ne l'ai plus vue et je ne crois pas avoir entendu parler d'elle ces derniers temps. Je ne rencontre dans le processus de ce rêve aucune trace d'affectivité. Plus j'y réfléchis, et moins il me semble intelligible. Je vais procéder maintenant à mon examen introspectif et noter les idées qui me viendront sans parti pris comme sans critique. Mais je m'aperçois bientôt que le travail est notablement plus facile si je décompose d'abord le rêve en ses éléments afin de grouper autour de ses fragments isolés les idées qui s'y rattachent. Réunion. Table. Ou table d'hôte. Je me souviens d'abord de l'incident qui a clos la soirée d'hier. Comme je quittais une petite réunion, en compagnie d'un ami, celui-ci offrit de prendre une voiture et de me déposer chez moi en disant « J'aime assez l'invention du taximètre. On le suit des yeux, on s'occupe, on se distrait. » Quand nous fûmes en voiture et que le cocher eut disposé la vitre de manière qu'on pût lire le chiffre de 60 sous, je repris la plaisanterie « À peine avons-nous pris place que nous voici endettés. » Le taximètre en voiture, c'est comme la table d'hôte. On s'y sent devenir avare et égoïste à force de songer à la dette qui augmente. Elle grandit trop vite, on a peur de ne pas en avoir pour son argent. À table d'hôte aussi, j'ai toujours ce souci un peu comique de ne pas laisser le compte s'établir à mon détriment. Après quoi, sans grand à-propos, je l'avoue, je citais deux vers de Goethe. Vous nous mettez au monde et laissez le pauvre se couvrir de dettes. Une autre idée relative à la table d'hôte. Il y a quelques semaines, me trouvant à table dans une auberge du Tyrol, je me mis violemment en colère contre ma femme parce qu'elle ne me paraissait pas assez réservée à l'égard de certaines personnes attablées à côté de nous dont je voulais à tout prix éviter le commerce. Je la priais de laisser ces étrangers et de s'occuper plutôt de moi. Là encore, tout se passe comme si la table d'hôte m'avait frustré. Et maintenant, je pense tout à coup au contraste entre l'attitude de ma femme à cette table et celle de Madame E.L. dans le rêve, qui est entièrement tournée vers moi. Autre remarque, ce détail de mon rêve est la reproduction d'une scène tout à fait analogue entre ma femme et moi à l'époque où je lui faisais secrètement la cour, la caresse sous la table. Elle me la fit en réponse à une lettre où je la demandais en mariage. Mais dans le rêve, ma femme est remplacée par une personne étrangère. E.L. Madame E.L. C'est la fille d'un homme à qui j'ai dû de l'argent autrefois. Force m'est bien de constater une relation insoupçonnée entre les éléments de mon rêve et les idées subites qu'ils éveillent. Suit-on la chaîne d'association qui part d'un élément du contenu, on se trouve bientôt ramené à un autre. Les idées que le rêve éveille en moi créent des liens qui ne sont pas discernables dans le rêve lui-même. Quand quelqu'un attend qu'un autre l'aide sans y trouver lui-même avantage, n'a-t-on pas coutume de lui demander ironiquement « Croyez-vous donc qu'il le fera pour vos beaux yeux ?» Mais alors, les propos de Madame E.L. dans le rêve « Vous avez toujours eu de si beaux yeux !» ne signifient rien d'autre que « Tout ce qu'on en fait, c'est par amour pour vous. Tout vous a toujours été donné pour rien. » Naturellement, c'est le contraire qui est vrai. Le bien qu'ils m'ont fait, mes amis me l'ont toujours fait payer cher. C'est pourquoi j'ai dû être frappé hier d'avoir eu gratuitement une course en voiture. Il est vrai que l'ami chez qui nous étions hier à dîner a souvent été mon créancier. Tout récemment encore, j'ai laissé passer une occasion de m'acquitter envers lui. Je ne lui ai jamais fait qu'un seul cadeau, une coupe ancienne avec des yeux peints tout autour. La coupe est une occhiale qui préserve du mauvais œil. Du reste, l'ami dont je parle est oculiste. Hier soir, je lui ai demandé des nouvelles d'une malade que je lui avais recommandée pour une question de lunettes. Comme je le vois, presque tous les éléments du contenu de mon rêve se retrouvent dans la nouvelle construction. Mais devrais-je encore me demander pourquoi ces épinards que l'on sert dans le rêve? Eh bien, les épinards me rappellent une petite scène de famille qui a eu lieu l'autre jour parce que l'un de mes enfants, celui-là même dont on pourrait vanter les beaux yeux, refusait de manger des épinards, comme je le faisais moi aussi dans mon enfance. La mention de ce plat établit donc un rapprochement entre ma propre jeunesse et celle de mon petit garçon. Sa mère lui avait dit « Estime-toi heureux d'avoir des épinards. Bien des enfants seraient contents d'être à ta place. » C'est ainsi que je suis rappelé au devoir des parents à l'égard de leurs enfants et que les paroles de Goethe « Vous nous mettez au monde et laissez le pauvre se couvrir de dettes » prennent maintenant un nouveau sens. Je m'arrête ici pour jeter un coup d'œil sur les résultats obtenus jusqu'à présent par l'analyse de ce rêve. En suivant les associations qui se reliaient aux éléments isolés de leur ensemble, extraits du contexte du rêve, j'ai obtenu une série de pensées et de souvenirs où il me faut reconnaître des manifestations importantes de ma vie intime. Le matériel ainsi obtenu est en relation étroite avec le contenu du rêve, mais cette relation est telle qu'un simple examen ne me l'aurait jamais fait trouver. Le rêve était incohérent, inintelligible, dépourvu de toute valeur affective. Mais en développant les pensées qui se cachent derrière le rêve, je ressens des mouvements affectifs intenses et parfaitement fondés. Ces idées elles-mêmes se disposent parfaitement pour former des chaînes logiques où certaines représentations centrales se répètent parmi celles qui ne figurent pas dans le contenu du rêve. Il y a l'opposition entre intéressé et désintéressé, la notion de dette et celle de don gratuit. Les chevaux de pensée que l'analyse m'a révélés, je pourrais en serrer plus étroitement les fils et montrer qu'ils aboutissent tous à un nœud unique. Mais, à côté des intérêts scientifiques, il existe des raisons privées qui m'empêchent de le faire dans un livre. Après avoir compris bien des choses que je répugne à m'avouer à moi-même, il me faudrait trahir des sentiments que je préfère tenir secrets. Le rêve non vixit que nous rapportons maintenant est l'un des plus émouvants, l'un des plus brillants aussi, de la science des rêves. L'interprétation en est plus poussée que dans le précédent, bien que les réticences habituelles de Freud n'y manquent pas non plus. Avec ses suspens, ses ombres qui se dissipent peu à peu, et ces rebondissements continuels, c'est un véritable petit drame dont le développement est d'une beauté frappante. Sa place ici est d'autant plus indiquée qu'elle met en scène des personnages que nous connaissons déjà, ces maîtres et amis qui avaient joué un grand rôle dans la vie de Freud et auxquels le liaient encore des sentiments profonds, aussi profonds que contradictoires. Je suis allé pendant la nuit dans le laboratoire de Bruck. On frappe légèrement à la porte et j'ouvre au professeur Fleischl, qui est mort. Il entre avec plusieurs étrangers, puis, après quelques mots, s'assied à sa table. Je fais ensuite un second rêve. Mon ami Fliess est venu à Vienne au mois de juillet, sans me prévenir. Je le rencontre, qui cause dans la rue avec mon ami défunt, Panette. Et je vais avec eux dans un endroit où ils s'assoient comme à une petite table, l'un en face de l'autre. Je m'assieds au petit côté de la table. Fliss parle de sa sœur et dit... Elle mourut en 3/4 d'heure. Puis quelque chose comme... C'est le seuil. Comme Panette ne le comprend pas, Fliss se tourne vers moi et me demande ce que je lui ai dit de lui. Là-dessus, saisi d'un sentiment étrange, je veux dire à Fliss que Panette ne peut absolument rien savoir puisqu'il n'est plus en vie. Mais je dis, tout en remarquant moi-même l'erreur, « Non vixit ». Ensuite, je regarde Panette d'une manière pénétrante. Et, sous mon regard, il devient pâle, évanescent. Ses yeux prennent une nuance bleue, maladive. Enfin, il se dissout. J'en suis extraordinairement heureux. Je comprends maintenant qu'Ernst Fleischl n'était, lui aussi, qu'une apparition, un revenant. Et je trouve tout à fait vraisemblable qu'un personnage de cette espèce puisse exister seulement tant qu'on le désire, et que le souhait d'un autre puisse l'éliminer. Freud propose ce bel exemple parce qu'il contient un véritable répertoire des énigmes du rêve. On y trouve en effet des éléments tout à fait typiques. Le fait que le rêveur critique lui-même son erreur, que les morts sont présentés comme morts dans le rêve et que l'on a avec eux des relations toutes naturelles. Enfin, la discordance absurde entre une conclusion terrifiante et la satisfaction extrême qu'en tire le rêveur. Je donnerais beaucoup pour pouvoir communiquer la solution complète de toutes ces énigmes. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, comme je me le permets dans le rêve, sacrifier des gens que j'aime à mon ambition. Et la moindre dissimulation détruirait toute la signification de ce rêve que je connais bien. Freud se borne donc à interpréter quelques éléments choisis parmi les plus significatifs, qu'il envisage sous deux aspects. D'abord, il élucide le problème du non-vixit et de la présence naturelle des morts dans le rêve. Puis il explique le bonheur absurde qu'il éprouve après avoir dissous son ami. Le centre du rêve est une scène où j'anéantis Panette en le regardant. Ses yeux deviennent étrangement bleus, puis il se dissout. Cette scène imite d'une façon très nette une autre scène réellement vécue. J'ai été démonstrateur à l'Institut de physiologie. Mon service commençait de bonne heure et Brücke avait appris que j'étais arrivé plusieurs fois en retard au laboratoire. Il vint un jour, à l'heure où j'aurais dû arriver, et m'attendit. Ce qu'il me dit fut court et net. Mais il ne s'agissait pas des mots. Le fait bouleversant fut le regard de ses terribles yeux bleus, sous lequel je me sentis défaillir. Comme Panette dans le rêve où, à mon grand soulagement, les rôles sont changés. Ceux qui se rappellent les yeux merveilleux que le maître avait gardés jusque dans la vieillesse et qui l'ont vu en colère pourront imaginer sans peine ce que j'éprouvais alors. Non vixit. Je passais longtemps sans trouver l'origine du non vixit, grâce à quoi je me rends justice dans le rêve. Puis, je me rappelais que ces mots avaient une extraordinaire clarté, non pas toutefois en tant que parole entendue ou prononcée, mais en tant que chose vue. Et je compris tout de suite d'où ils venaient. Sur le socle du monument de l'empereur Joseph, à la Hofburg de Vienne, on lit ces belles paroles « Saluti patrie vixit non diu sed totus ». J'avais donc pris dans cette inscription ce qui répondait à l'attitude hostile de mon rêve et signifiait « Il n'a rien à dire, il ne vit pas ». Je me rappelais alors avoir fait le rêve peu de jours après l'inauguration du buste de Fleischl à l'université. À cette occasion, j'avais revu le buste de Brücke et, inconsciemment, j'avais dû regretter que mon ami Panette, si doué et si passionné pour la science, fût mort trop jeune pour qu'on lui en eût érigé un aussi. Mon rêve le lui érigeait. Mon ami Panette s'appelait Joseph. Les règles de l'interprétation ne me permettent pas encore de remplacer le non vivit dont j'ai besoin par le non vixit que me procure le souvenir du monument de l'empereur Joseph. Un autre élément de la pensée du rêve doit y avoir contribué. Je me rends compte que dans la scène du rêve, deux courants de pensée se rencontrent, l'un hostile, l'autre tendre à l'égard de Panette. Le premier est superficiel, l'autre caché. Les mots non vixit les représentent tous les deux. Parce qu'il a rendu des services à la science, je lui érige un monument, mais parce qu'il s'est rendu coupable d'un souhait méchant qui s'exprime à la fin du rêve, je l'anéantis. Voilà une phrase d'une forme bien particulière, dont je dois avoir trouvé le modèle quelque part. Où ai-je vu une semblable antithèse, un rapprochement de deux réactions opposées à l'égard de la même personne qui ont la prétention d'être toutes deux fondées et de ne pas se gêner mutuellement ? Il n'y a qu'un texte de ce genre qui se marque profondément dans la mémoire du lecteur, c'est le discours où Brutus se justifie dans le Jules César de Shakespeare. Parce que César m'aimait, je le pleure. Parce qu'il était heureux, je me suis réjoui. Parce qu'il était brave, je l'honore. Parce qu'il voulait le pouvoir, je l'ai tué. N'est-ce pas la même construction, le même heurt de pensée que j'ai découvert dans mon rêve ? Je joue donc le rôle de Brutus. Une autre indication vient encore me le confirmer. Mon ami Fliss vient à Vienne en juillet. Ceci ne repose sur aucune réalité. Jamais, à ma connaissance, Fliss n'est venu en juillet à Vienne. Mais le mois de juillet tire son nom de Jules César. Ce pourrait être l'allusion à ce chaînon intermédiaire où je joue le rôle de Brutus. Sans compter que César signifie empereur. Freud reprend l'interprétation de ce rêve dans un chapitre suivant, consacré aux états affectifs qui accompagnent le déroulement des événements oniriques. Le point à éclaircir ici, c'est le rapport complexe que ces états de qualité différentes entretiennent avec le contenu manifeste du rêve. Je n'ai pas encore fait connaître le point de départ de ce rêve. Il est essentiel et nous mène loin dans l'interprétation. J'avais reçu de mon ami de Berlin, Fliss, la nouvelle qu'il allait être opéré et que des parents à lui vivant à Vienne me tiendraient au courant de son état. Les premières nouvelles après l'opération ne furent pas bonnes et me donnèrent de l'inquiétude. J'aurais aimé aller à Berlin, mais j'avais à ce moment des douleurs rhumatismales qui me rendaient tout déplacement très pénible. La pensée du rêve montre que je craignais pour la vie de mon ami. Je savais que son unique sœur, que je n'avais pas connue, était morte toute jeune après une très courte maladie. Dans le rêve, Fliss parle de sa sœur et dit « Elle mourut en trois quarts d'heure. » J'ai dû m'imaginer qu'il n'était pas plus solide et me représenter qu'ayant reçu des nouvelles plus mauvaises, je partais enfin et arrivais trop tard. Ce dont j'aurais pu avoir éternellement du remords. Tu es arrivé trop tard. Il ne vit plus. C'est ce fantasme, issu des pensées inconscientes du rêve, qui exige non vivit à la place de non vixit. Ce reproche d'arriver trop tard est devenu le centre du rêve, mais il s'exprime dans la scène où le maître vénéré de mes années d'étudiant, Bruck, me foudroie de ses terribles yeux bleus. On verra plus loin ce qui a produit cette diversion. La scène elle-même ne peut pas être reproduite telle que je l'ai vécue. Elle laisse bien à l'autre les yeux bleus, mais me donne le rôle foudroyant par un renversement où la réalisation d'un désir est manifestement à l'œuvre. Mes inquiétudes pour la vie de mon ami, le remords de ne pas aller le voir, ma confusion, il est venu à Vienne sans me prévenir, mon besoin de me trouver une excuse dans la maladie, tout cela compose les états affectifs violents qui se déchaînent dans cette sphère des pensées du rêve et qui sont nettement perçus à travers le sommeil. Mais le rêve a encore une autre source qui avait fait sur moi une impression tout à fait opposée. En me donnant les nouvelles inquiétantes peu après l'opération, on m'avait demandé de n'en rien dire à personne. Cet avertissement m'avait blessé parce qu'il prouvait qu'on n'avait pas confiance en ma discrétion. Comme on sait, des reproches sans fondement ne portent pas, non pas le pouvoir d'émouvoir. Bien des années auparavant, dans une affaire qui ne concernait pas l'ami en question, mais deux autres hommes qui voulaient m'honorer de ce nom, j'avais répété bien inutilement des paroles dites par l'un sur le compte de l'autre. Les reproches que je dus essuyer à cette occasion, je ne les ai jamais oubliés. L'un des deux amis que j'avais brouillé ainsi était le professeur Fleischl. L'autre peut être désigné par le prénom de Joseph, que portait aussi mon adversaire et ami du rêve. On a dû remarquer que le nom de Joseph joue un grand rôle dans mes rêves. C'est que je puis très facilement dissimuler mon moi derrière les personnes qui portent ce nom, puisque Joseph est l'oniromancien de la Bible. L'agacement tout superficiel que j'ai éprouvé quand on m'a demandé d'être discret est renforcé par des éléments plus profonds et se tourne contre des personnes qui en réalité me sont chères. La source qui fournit ces apports remonte à ma première enfance. J'ai déjà raconté que mes amitiés intimes et mes inimitiés s'expliquent par mon enfance et mes relations avec un neveu qui était mon aîné d'un an. Il était plus fort que moi, et de bonne heure, j'avais appris à me défendre. Nous étions inséparables, et nous nous aimions beaucoup. Mais par moments, à ce qu'on m'a dit, nous avions des disputes, et nous nous accusions l'un l'autre. Tous mes amis sont des incarnations de cette première figure qui, comme on le dit dans Faust, s'est montrée jadis à mon regard trouble. Ce sont des revenants. Mon neveu revint me voir dans les années de notre adolescence, et c'est alors que nous jouâmes ensemble César et Brutus. L'intimité d'une amitié, la haine pour un ennemi furent toujours essentielles à ma vie affective. Je n'ai jamais pu m'en passer, et la vie a souvent si parfaitement réalisé mon idéal d'enfant qu'une seule personne a pu être l'ami et l'ennemi. Mais naturellement, ce n'était plus en même temps. Arrivé à ce point de son récit, car toute cette interprétation est un récit, un petit roman d'aventure autant qu'une analyse, Freud montre quelques réticences à continuer. Ayant atteint ces régions lointaines de l'enfance où l'être se révèle tout entier, c'est sur un ton presque impersonnel qu'il explique l'origine de ces revenants et l'énorme pouvoir qu'ils ont gardé sur lui. Je ne rechercherai pas ici comment, en pareil cas, un événement récent peut plonger dans le plus lointain passé et s'approprier une réaction affective de l'enfance. Cela appartient à la théorie de l'inconscient et à sa place dans une étude psychologique des névroses. Admettons, pour notre interprétation, qu'un souvenir d'enfance ou un fantasme se présente à l'esprit avec le contenu suivant. Les deux enfants viennent à se disputer pour un objet, ne précisons pas lequel, bien que le souvenir, ou plutôt le faux souvenir, l'indique. Chacun prétend être arrivé le premier, arrivé plus tôt, et avoir par conséquent droit à l'objet. On en vient au coup, la force prime le droit. D'après les indications du rêve, j'aurais dû savoir que je suis dans mon tort. Je remarque moi-même mon erreur. Cette fois, cependant, je reste le plus fort et maître du champ de bataille. Le vaincu court chez mon père, qui est son grand-père. Il m'accuse, et je me défends avec les mots que mon père m'a répétés depuis. Je l'ai battu parce qu'il m'a battu. Ainsi, ce souvenir, ou plus probablement ce faux souvenir qui s'impose pendant l'analyse du rêve, se présente comme un lieu de rencontre des pensées du rêve qui, de là, continuent leur chemin de la façon suivante. C'est bien fait pour toi si tu as dû me céder la place. Pourquoi voulais-tu me chasser? Je n'ai pas besoin de toi. Je trouverai un autre ami avec qui je pourrais jouer. Et ainsi, nous revenons au rêve. Cette haute toit de là que je m'y mette me rappelle en effet le reproche d'arrivisme que j'ai dû adresser à mon ami Joseph, mort aujourd'hui. Il m'avait succédé au laboratoire de Bruck, mais là, l'avancement était lent. Aucun des deux assistants ne bougeait. La jeunesse était impatiente. Mon ami savait que sa vie serait courte. Rien ne l'attachait à celui qui lui bouchait la place. Un jour, il me dit ouvertement son impatience. Comme l'assistant en question était gravement malade, le désir de le supplanter pouvait avoir une signification choquante. Quelques années auparavant, comme il est naturel, j'avais éprouvé plus vivement encore ce désir de prendre une place vacante. Partout où il y a hiérarchie et avancement, le chemin est ouvert à des désirs qu'il faut réprimer. Le prince Hall, dans Shakespeare, ne peut s'empêcher d'essayer la couronne au lit de mort de son père. Mais le rêve, cela se conçoit, fait payer ce désir mauvais à Joseph, pas à moi. Des événements indécis de l'enfance, le rêve de Freud passe à la mort, à celle des autres, à la sienne, et à la joie inavouable d'être toujours le survivant, thème central de toute l'énigme et sûrement le plus pénible. On ne peut pas se le dissimuler. Il faut une grande maîtrise de soi pour interpréter et communiquer ses propres rêves. On doit se résigner à se révéler comme l'unique scélérat parmi tant de natures nobles avec lesquelles on partage l'existence. Ainsi, je trouve tout naturel que les revenants n'existent que tant qu'on a envie de les voir et qu'un désir puisse les écarter. Voilà donc ce pourquoi mon ami Joseph a été puni. Mais les revenants sont aussi les incarnations successives de mon camarade d'enfance. Je suis heureux de voir que je le remplace toujours et que, en ce moment même où je suis sur le point de perdre quelqu'un, je lui trouverai un remplaçant. Personne n'est irremplaçable. Mais que devient la censure dans le rêve? Pourquoi ne s'oppose-t-elle pas vigoureusement à ses pensées empreintes de l'égoïsme le plus brutal? Pourquoi ne transforme-t-elle pas en profond déplaisir cette joie de mauvaise qualité? C'est que, me semble-t-il, d'autres courants irréprochables se rapportant aux mêmes personnes donnent un sentiment de satisfaction et couvrent ainsi les éléments venus de la source infantile interdite. Lors de l'inauguration du buste, je me suis dit aussi « J'ai perdu tant d'amis bien-aimés, les uns sont morts, les autres ne m'aiment plus. Comme il fait bon penser que mon cœur n'est pas vide, que j'ai gagné cet ami qui signifie pour moi plus que ne pouvaient signifier tous les autres » et que je garderai toute ma vie maintenant que me voici à un âge où on ne se lit plus facilement. Toute cette suite d'idées se rattache à la pensée carrefour du contenu latent du rêve. Personne n'est irremplaçable. Regarde, ce sont des revenants. Tout ce qu'on a perdu revient. Il se trouve par hasard que la fille de mon ami porte le même nom que ma propre petite camarade d'enfance, qui a le même âge que moi et est la sœur de mon plus vieil ami et adversaire. J'ai donc entendu le nom de Pauline avec satisfaction. C'est cette coïncidence que le rêve rappelle en substituant un Joseph à un autre et en gardant les mêmes sons initiaux dans les noms de Fleischl et de Fleece. Ce détail m'amène à penser à la façon dont j'ai nommé mes enfants. Je tenais à ce que leurs noms ne fussent pas choisis d'après la mode du jour, mais pour garder le souvenir de personnes chères. Leurs noms font de mes enfants des revenants. Et les enfants, ne sont-ils pas le seul moyen que nous ayons d'atteindre l'immortalité ? RTF France 3 National vous a présenté La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Bray, René Farabet, Alain Mottet, Jean Muselli et René Garcia dans Deux rêves de Freud. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France 3 National les 16 et 23 février 1963. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.